Télévi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des or et des coraux et les plus beaux joyaux. Dans sa chambre, la fille du roi lui sourit. Charmant, il a...